Hey, c'est Sony le philosophe 2008, futur proche. Écoute ça, ça fait. Tu sais, on cherche souvent notre chemin droit. On regarde jamais au loin, l'horizon nous montre beaucoup plus que du noir. Effrayé à l'idée de devoir partir un jour. Notre avenir dessine notre course, consume la vie, un dessin qu'on doit mettre à jour. J'ai ajouté le rap dans ma vie en 2005, je crois. Non, même je t'assure que dans mon futur proche, il sera toujours avec moi. Même si je réussis pas, sache que j'assumerai, sache que je regretterai pas mon passé. Je suis toujours en train de tuer le mic, ni les pépettes que j'ai investi pour en arriver là. C'était l'âge où je voulais tout donner dans le domaine pour m'en sortir. Oui, c'était l'âge où je voulais tout donner pour réussir. Quitter le ghetto très tôt avant qu'il soit trop tard pour voir autre chose que tu fais. Le philosophe, c'est le philosophe. Voilà comment j'imagine mon futur proche. Sache que mon miroir m'encourage, car je suis pas déçu de ce que je vois. Un jeune qui progresse dans tous les domaines, laissant côté rage et haine, oubliant le plus possible ses malheurs et sa peine. Perte ou échouer ne fait plus partie de mon vocabulaire. Prouver, devenir une bête de scène, sentir désir d'avoir gagné la guerre. Oublier ces années de galère, ces ambiances de solitaire. Si vraiment le travail paye, normalement j'ai pas réussi à me faire. De toute façon, ça se verra le jour où sortirai mon premier scud dans les bacs. On verra aussi ceux qui prétendent me soutenir. Inch'Allah, on reconnaît les vrais seulement quand il faut agir. Ça jacque beaucoup trop et toi, car du temps, y'a plus personne le jour J. C'est le philosophe. On prétend trop de choses de nos jours. On court derrière trop de trucs à la fois et on s'étonne que l'arrivée est un gouffre. Ce gouré de route devient une habitude comme regretter. On agit mal, on abuse grave, on se met dans la merde avec nos dettes à payer. On n'est pas invincible, poteau. On est tous pris pour cible. Certains par les flics ou d'autres tout simplement par la faucheuse. On s'efforce de voir trop loin avec très gros et on se trouve très loin avec très peu. Au-delà de l'horizon, tu ne trouveras pas le million. Je te conseille de pas quitter le milieu des études sans diplôme. Vaut mieux avoir du plomb dans la tête que dans ton glock. J'irai au bout de mes objectifs sans un sureau. Comme dit Kader, la gloire viendra nous lécher les baskets un jour ou l'autre. C'est ça, je voudrais partir loin. Respirer un peu de la paix, car même mon oxygène est en guerre. Je te conseille de bosser, mon vieux. Car nos jours, la vie n'est pas facile. Même l'eau devient de plus en plus acide. Le naturel se dissout, ils se disent que l'artificiel est mieux pour la survie. Ils s'imaginent déjà en 2008 changer les cœurs par des billes. Ils tenteront sûrement d'ici 2012 de remplacer les cerveaux par des disques durs ou faire travailler les robots comme d'aéroports. Stop, la vie n'a rien d'un film. Pas de générique, pas de réalisateur, seulement un créateur. Yarabbi, écoute, on va laisser faire les choses. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ici ou ailleurs? On n'est jamais à l'abri d'une bonne ou mauvaise cause. Yeah, c'est Sony le philosophe 2008, futur proche. En attendant que le soleil se lève.